Je l'ai pas inazambé. Pourquoi les ambots t'aiment à l'angaï? Le 6 juillet. Zamba kounisama. Natoni sami le semo ya kouloba ete. Asali amini na bon mouen angaï. Yamou à la vraiment, hein? Soto pesa y ma sang jolie.